En partenariat avec le CFMI de Tours, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo présente les séquenzistes. Détourner. Est toujours significative. Oh, chaud soupir, oh, larmes épandues. Ensuite, à quelle nécessité oh, noire nuit, vainement attendue. En définitive, l'alliance de la parole et oh, de la vie. Oh, vous, luisant vainement retourné. Aux yeux bruns. Mais deux questions se posent. D'abord, détourné, la relation toujours significative. Au chaud soupir. Comment faut-il la concevoir? Oh. Ensuite, à quelle nécessité anthropologique répond? Larmes épandues. Au noir nuit. L'alliance vainement attendu et de la au jour luisant vainement retourné. Thank you. plusieurs bras. Mes deux questions se posent ici. Regard détourné. D'abord, si la relation est toujours significative. Chaud soupir. Comment faut-il la concevoir? Aux larmes épandues. Ensuite, à quelle nécessité anthropologique répond? Aux noires nuits vainement attendues. En définitive, l'alliance de la parole et de la musique dans le chant. Au jour luisant vainement. Thank you.